danser. Rocker. Danser. Le quartier de lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse, spectacle week-end, karaoké, billard gratuit, 5 à 7, les plaisirs doublés dès 20h tous les soirs. Le quartier de lune, 3e avenue, Limoilou. Réserve pour tes parties, 418-523-4011. Devenez notre ami sur Facebook. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec le groupe Moulette. On dit de ce groupe britannique qu'il redéfinit la musique progressive pour une nouvelle génération. Le public les adore, les médias en raffolent, ils sont électriques et acoustiques, ils sont sophistiqués et imprévisibles. Le 5 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Moulette. Plus de détails au palaismontcalm.ca. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, amateurs de bon rock progressif. Vous êtes sur les ondes de CKRL, évidemment, à l'émission Terra Incognita, avec Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, de retour après un repos, des vacances. Et il y a eu plusieurs nouveautés, découvertes que Jean-François et Michel vous ont présentées. Et ben, j'ai découvert la semaine dernière, grâce à Michel, le groupe Gentle Knife. C'est un groupe de la Norvège. C'est leur second album, Clock on Wound. J'ai pensé débuter avec ça, mais j'ai également eu le nouveau Unreal City. Et Michel en a fait jouer une pièce en primeur la semaine dernière. Alors on aura une seconde pièce de l'album Frammenti Notturni. C'est leur troisième album, donc pour ces jeunes talentueux. Et ce sera la pièce Barricate. Et ben on sait qu'ils vont être avec nous en octobre, le 8 octobre à Nancy, OK, pour nous présenter ça. Puis il y a également le groupe de Québec Shatters qui sera en première partie pour nous présenter leur nouvel album Static Dreams, leur second album. Et ben on aura une pièce de Unreal City. Donc comme je le disais, une pièce du second album de Gentle Knife. Et également, on aura dans le premier bloc le nouveau Eloy qui a sorti un nouvel album le 25 août. Michel en avait parlé sur la page Facebook de l'émission quand c'est sorti. Et c'est l'histoire de Jeanne d'Arc. Et c'est encore, ça se passe en France, c'est un album concept. Et dans la pièce que j'ai choisie pour vous, Chinon, il y a justement une narration où on entend Jeanne d'Arc, là, la voix féminine fait le Jeanne d'Arc, puis il y a la narration. Et c'est une pièce qui est super représentative de ce nouvel album de Eloy, un album qui s'appelle The Vision, The Sword and The Pyre. Part 1. Il y aura une seconde partie, imaginez-vous. C'est le fun de savoir qu'il est encore actif, puis c'est un bon album. Franchement, là, je l'ai écouté plusieurs fois, puis c'est un bon disque, franchement. Là. C'est leur 19e album en carrière pour Eloy. Puis je sais que Bruno, c'est un de ses bands en plus, fait que je pense qu'il va aimer cette pièce-là. Alors, on y va tout de suite avec Gentle Knife, ensuite Unreal City, et puis juste Eloy. Thank you. face and crown. We're only here and now, lost, never to be found. Our days just fade away, fade away. Someday joins the sea, needs sunset's amber hue, in tones of quiet hope and gentle shades of blue. Straight ink fades. dusty toes, and dreams just fade away. Spirit fly, the end will set us free. Thank you.

C-K-R-L. Je suis une voix. Je suis un message. Communication et culture. Le 24 septembre prochain, viens courir 1, 5 ou 10 km urbains dans une ambiance unique avec comme thématique les Beatles. L'équipe d'organisateurs promet des surprises. Plusieurs artistes des arts de la rue feront partie du parcours pour cette nouvelle thématique. Le 24 septembre, de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Une invitation de la SDC 3e Avenue Limoilou en partenariat avec Desjardins Caisse de Limoilou et le Coureur Nordique. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Annabelle Création, Assassin américain, Ciné-Voyage présente Nouvelle-Zélande Nord, le Festival roumain et le Royal Opera House présente La Flûte enchantée en différé. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Et de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était Eloy, le nouveau disque de Eloy. C'est quand même un groupe qui roule depuis 1970. C'est leur 19e album intitulé The Vision, The Sword and the Pair, Part 1. Alors, ça vient juste de paraître fin août. Et la pièce qu'on a entendue, c'était la pièce Chinon, ou Chinon. En fait, c'est en plus que ça se dit en français. Il y a plusieurs termes français puisque ça se passe en France. Et comme je le disais, dans cette pièce-là, c'est Jeanne d'Arc qu'on entend dans la narration. Alors, juste avant, il y avait eu Unreal City, de leur plus récent album, leur nouvel album paru la semaine passée, Frammenti Notturni. Et c'était la pièce Il Nido delle Succubi. Et ça, c'est vraiment bon. Franchement, c'est différent. Il faut s'habituer. C'est ça. Chaque album est différent, vraiment, à sa personnalité. Puis j'ai bien hâte de voir ça en spectacle. Ils sont ici à l'Anti. Et c'est le 8 octobre. Donc, juste avant, la même fin de semaine, le 6 et 7 octobre, il y a Roger Waters, justement, qui est là au Centre Vidéotron. Pas tout à fait le même genre de salle, ben, puisqu'à Unreal City, ça sera 100 personnes et des places assises. Et juste avant, on avait eu pour débuter le bloc musical Gentle Knife. C'est Gentle Knife 2 et leur nouvel album... Clock on Wound, c'était la pièce Fade Away qu'on avait entendu. Et puis on parle de spectacle. Qu'est-ce qui s'y est? Évidemment, il y a également ce qui s'en vient, Prague Story, les 13 et 14 octobre, Jean-Paul Tardy. Et il y a Pendragon le 21 octobre, Jean-Paul Tardy aussi. Et là, ils ont annoncé Arena qui vont venir au mois de mai 2018. Ça va être à la salle du collège Garneau, Cégep Garneau. Et il y a juste 400 places là. Puis ils vont faire le 20e anniversaire. C'est la tournée 20e anniversaire de l'album The Visitor. Donc ils vont faire cet album-là en intégrale avec un paquet de nouvelles pièces. Il va y avoir un nouvel album également pour Arena. Ça, c'est au mois de mai prochain. C'est loin encore, vous me direz. Le 5 octobre, il y a les Moulettes au Palais Montcalm. Là, on l'entend dans la publicité durant l'émission. Il y a Yes avec Anderson, Rabin et Wakeman qui sont là lundi soir au Grand Théâtre, le 18 septembre. Donc, c'est le 19 au Saint-Denis à Montréal. On y va en musique avec le nouveau Styx. Styx n'a pas toujours fait du prog, mais ils ont fait quelques pièces plus prog. Et dans ce nouvel album intitulé The Mission, c'est un album concept là, qui est sur une mission sur Mars. Et franchement, il y a des bonnes pièces. Là. Il y a plusieurs plus intermèdes musicaux qui s'enchaînent là, dans l'histoire. Puis c'est pas mal intéressant. On va écouter une pièce, deux pièces en fait, pour débuter le bloc. Puis à la fin du bloc, il y aura une partie du disque. Et on aura Audio M. J'ai découvert ça grâce à la revue Progressiste numéro 89 qui vient de rentrer la semaine passée. Audio M, c'est un groupe français. Leur premier album paru en 2016. Et c'est ça, c'est un de leurs coups de cœur finalement. Puis ils ont mis ça sur leur compilation. Donc on va écouter la pièce Audio M intitulée Runaway. On aura également Cotebel, le nouveau Cotebel. C'est un groupe de l'Espagne. Et leur album vient juste de paraître, Cosmology. Ça faisait quand même 5 ans au moins là, que, qu'il y avait eu l'autre précédent. Et c'est leur 7e album. Alors, on aura la pièce Entangled Universe de Cotebel et puis un autre extrait de l'album de Styx. Mais on y va tout de suite avec cette pièce qui est de Styx, Mission to Mars. On the floor, you love no other. mastering the current, living every second, loving every moment, one proud soul, standing on a raft, inventing a future, getting his past, one little bird, opening his wings, wanting to go further, longing to see one free soul, flying through the air, gliding up and down. He only had to dare. replaced. What shall we do with what remains? Time may bend, but it hasn't yet for me. Some live their dreams, some push them away, but we made it. Not enough for me. Calling up to the universe, shine your light on me. The future of Mother Earth, shine on, shine on. You're a mystery, open up to me. Shine, shine on me. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec le groupe Moulette. On dit de ce groupe britannique qu'il redéfinit la musique progressive pour une nouvelle génération. Le public les adore, les médias en raffolent, ils sont électriques et acoustiques, ils sont sophistiqués et imprévisibles. Le 5 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Moulettes. Plus de détails au palaismontcalm.ca. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. CK. Et de retour avec Bruno et Marc à Terra Incognita. On a eu juste avant ce qui a terminé, c'était Styx, là, du dernier album qui vient de sortir cette année, The Mission. On a eu deux courts extraits. En fait, c'est un paquet de courtes pièces là, qui forment un tout, qui est un album concept sur une mission spatiale sur Mars et le livret à l'intérieur. Là, c'est un peu comme si c'était les logos de la NASA, un document confidentiel. On avait eu donc Time May Bend qui terminait ce bloc. Il y avait eu Cotebel. C'est le groupe qui fait un peu de l'Espagne, une musique plus classique, rock et classique mélangée, là. C'est leur plus récent album qui vient tout juste de sortir, Cosmologie, et c'est leur 7e album. Et c'est un groupe qui mélange très bien comme ça le côté classique et rock, et moi c'est un style que j'aime beaucoup. Alors Cotebel, et on a eu Audio M de la France. Ça, ça nous est fourni par la compilation qui vient avec le magazine Progressiste. Donc, c'était la pièce Runaway de leur premier album paru l'an dernier. D'ailleurs, dans Progressiste, ben, comme d'habitude, il y a un paquet de chroniques intéressantes, de critiques d'albums. Les albums événements, il y a Baroque Project, Detachment. on écoutera une pièce tantôt. Le dernier cast, Power and Passion, qu'on a écouté à quelques reprises. Lonely Robot, The Big Dream. Il y a Thinking Plague, que Jean-François vous a fait jouer. White Willow, qu'on a également présenté à l'émission. Le dernier Roger Waters, dont on écoutera un extrait tantôt. Is This the Life We Really Want? Il y a un long... une grande critique, ça. Puis j'ai trouvé ça pas mal intéressant comme analyse de l'album. Franchement, c'est le fun à lire. Il y a une entrevue avec Andrew Lucassen de Arion. Également, quelques chroniques de disques italiens comme Celeste et Blocco Mentale. Même une revue des albums de Iron Maiden. Il y a toujours des choses qui nous surprennent dans le progressiste. White Willow, il y a une entrevue avec Giacomo Omlupo. Il y a également une entrevue avec le chanteur de Deep Purple et Ian Gillan. Après toutes ces années, Deep Purple est pour nous parler de leur plus récent album Infinite, qu'on a présenté également à l'émission. On est tout à fait dans les mêmes ondes de ce qui se fait dans la musique rock progressif aujourd'hui. Et également, ben, il y a leur compilation Les Indispensables. On a dans ça Audio M, Richard Barbieri, Baroque Project, Jean-Paul Beaufaux, un autre artiste français. Le Tim Bonus, le plus récent. Sailor Noise, ça c'est un coup de cœur pour moi aussi. Carry On, Thinking Plague et Roger Waters et White Willow. Alors, puis un paquet d'albums qu'on découvre en lisant les chroniques qui sont faites dans ça. Et ben, c'est pas mal intéressant, le magazine progressiste de la Belgique. Alors, on écoutera, pour revenir au Québec, il y a ce qui vient de s'annoncer le 15 octobre, donc la semaine juste après Unreal City, le dimanche. Les groupes Sonus Umbra des États-Unis et Discipline également des États-Unis. Donc Discipline, on sait qu'ils viennent tout juste de sortir un nouvel album, Captives of the Wind Dark Sea. Alors, bon, on vient tout juste d'apprendre cette semaine qu'ils font un spectacle à Québec, puis c'est vraiment pas cher en plus. Alors, à ne pas manquer, avec Sonus Umbra, qu'on avait vu à Terra Incognita, puis je pense que ça avait fait un tabac, là. Il y avait eu un problème, un guitariste n'avait pas pu venir. Il avait fait un spectacle un peu improvisé, acoustique, avec des amis qui avaient invité, puis ça avait été, en tout cas, super. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Ça, c'est le 15 octobre. Et bien, on écoutera d'ailleurs une excellente pièce de ce nouvel album de Discipline, The Body Yearns. Également, on aura Samurai of Prague. Ça, c'est un album que j'aime beaucoup, qui est sorti cette année, puis je réécoute. Puis à toutes les fois, je trouve qu'il y a tellement un bon feeling dans ces pièces-là. L'album On We Sail, voilà, et la pièce Ghost Written. Et on aura également The Baroque Project, leur plus récent album, Detachment. On aura la pièce Happy to See You. Mais tout d'abord, on y va en musique avec Discipline. The body and the brain, the self, the soul, the fictional belief, the void, the whole. Yeah. Eureka since number set. Twin connections make perfections. The body learns, just keep on trying. Now empowers the fear that we see. Seem to come by it naturally. Fragmentation, replication. We'll be right back.

night through.

was there for us to take. We could heal the wounds of time with new bones that wouldn't break. How could I know your weakness and the depth of my mistake? Happy just to see you, I was happy to see you. Now I see the treachery, the cowardice in your eyes. Time and tears are wasting on your failings and your lies. All I had was an illusion, now I watch it as it dies. I'm not happy to see you, I'm not happy to see you. KRL.QC.CA. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Du 13 au 23 septembre. Le Festival de cinéma de la ville de Québec. Du 13 au 23 septembre. Présenté par Québeca, alimenté par Resto Plaisir, en collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec le groupe Moulette. On dit de ce groupe britannique qu'il redéfinit la musique progressive pour une nouvelle génération. Le public les adore, les médias en raffolent, ils sont électriques et acoustiques, ils sont sophistiqués et imprévisibles. Le 5 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Moulettes. Plus de détails au palaismontcalm.ca. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolite.qc.ca. Et de retour avec Bruno et Marc, c'est déjà la dernière demi-heure de l'émission. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. On avait, juste avant la pause, le groupe italien Baroque Project et leur plus récent album Detachment, une autre nouveauté. Et c'était la pièce Happy to See You. Et c'est aussi une pièce qu'on retrouve sur la compilation qui vient avec le magazine Progressiste numéro 89, que vous pouvez vous procurer en allant sur leur site. Parlant de site, ben, on a toujours les contenus musicaux, les liens vers le podcast sur notre site www.terraincognita.québec et notre page Facebook. Il suffit de taper Terra Incognita dans Facebook et vous allez tomber sur notre page. Alors, pour la dernière demi-heure de l'émission, il y a une autre nouveauté ce soir, le groupe Witchwood. C'est un groupe italien qui est chanté en anglais, là, comme c'était le cas pour Baroque Project. Et c'est leur second disque. En fait, il y a trois nouvelles pièces. C'est un EP, si on veut dire. Trois nouvelles pièces. Il y a deux reprises, des covers. Et une pièce qui a été refaite ou une version différente là, par rapport à leur premier disque. Leur premier disque qui était Litanies from the Wood, paru en 2015. Donc, c'est Handful of Stars est paru en 2016. Et on aura justement cette pièce Handful of Stars, une pièce avec une version différente de ce qu'il y avait sur l'album original. Vous allez voir que ça fait, là, on a l'impression d'un groupe des années 70, un mélange de eux, Yah Heap, avec Jethro Tull, avec des influences Deep Purple. C'est pas mal dans ce style-là, puis c'est très bon. Witchwood, quand on aime le style, on n'est pas déçu. On aura également une pièce du nouveau Roger Waters, puisqu'il nous visite les 6 et 7 octobre prochains. Et ce sera la pièce Picture That. Et on aura également The Box qui viennent nous rendre visite aussi le 27 octobre à la salle Jean-Paul Tardy du Collège Saint-Charles-Garnier. Et ils sont supposés faire deux pièces au moins, peut-être trois, de l'album Le Horla, paru en 2009, qui est leur album prog. Et on aura la pièce Sous hypnose. Mais tout d'abord, on fait la découverte de Witchwood, la nouveauté. Et puis après ça, on aura Roger Waters et The Box. yourself as you lean on the port rail, tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doormat. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah. Picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. We'll be right back.